Le 22 octobre, le journal d'internet sud-coréen Minzong-Ilbo a inséré un éditorial titré « L'opinion publique demande la démission de Bakune ». Les journaux d'internet sud-coréens Jeju Shibo et Presseon ont publié respectivement le 20 octobre des articles sur le caractère antipopulaire de la bande de Bakune.